Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et pour ouvrir l'émission, nous allons sortir un tout petit peu de la ville pour découvrir les aménagements naturels et aménagés. Il y a depuis 3 ans, je crois, un baccalauréat à l'Université Laval qui s'appelle Bac en environnement naturel et aménagé. La première cohorte de ce bac termine cette année. Son responsable est le professeur Louis Bélanger de la faculté de foresterie, de géographie et géomatique à l'Université Laval. Il est avec nous au studio pour nous parler de ce baccalauréat. Bonjour Monsieur Bélanger. Bonjour. Alors dans un premier temps, j'aimerais que vous nous parliez, que vous nous présentiez un petit peu ce bac en environnement naturel et aménagé. On comprend environnement naturel, mais environnement aménagé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est nos milieux ruraux, c'est nos milieux urbains. Donc c'est également des environnements, c'est également des milieux où il y a beaucoup de vie. Mm-hmm. Et donc nos étudiants se spécialisent en développement de solutions pour préserver justement la qualité de la vie dans ce type de milieu-là. D'accord. Donc là, deux solutions, ça veut dire qu'il y a des problèmes? Alors, dans un certain sens, il y en a énormément de problèmes, mais c'est un type de professionnel dans lequel on veut les former, non pas pour décrire les problèmes, mais pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Alors, quels sont-ils ces problèmes, par exemple? Alors, c'est les problèmes de conservation de la biodiversité, c'est des problèmes d'efficience environnementale, de conservation de l'eau, de maintien de la connectivité biologique entre les milieux environnementaux et les milieux utilisés par l'homme. D'accord. Donc, parce qu'on s'aperçoit que dans les milieux, donc, aménagés, donc ceux où les humains s'établissent, donc il y a quelques problèmes de conservation de la biodiversité, de qualité de l'eau peut-être, etc. Donc, ça fait longtemps qu'on parle de développement durable. Le défi, c'est comment fait-on cette transition-là entre nos modes d'urbanisation, nos modes de développement économique, vers des modes de développement qui vont être plus durables dans une époque où on continue le modèle classique du développement économique. Alors, c'est vraiment cette transition-là qu'on a trouvé une nouvelle solution, et ces gens-là sont, nos gradués sont formés pour pouvoir accompagner des organisations, des municipalités vers ce développement durable qui est toujours un peu flou. Oui. Et là, on passe de souvent les professionnels qui ont été formés pour décrire les problèmes, ceux-là sont vraiment formés pour trouver les solutions d'accord, à ces problèmes-là. D'accord. Donc, eux n'ont pas en charge de trouver les problèmes, mais vraiment de trouver les solutions. Donc, il y a d'autres équipes, d'autres professionnels qui décrivent un petit peu les problèmes. Très souvent, on les connaît de façon générale. Ouais. Par exemple, la détérioration des rives du fleuve Saint-Laurent, c'est des problèmes connus depuis longtemps. Mais comment amener une municipalité à faire en sorte que son développement sur les rives du fleuve vont conserver cette biodiversité particulière? Alors, ça ressemble à quoi les solutions qu'ils doivent mettre en place? Ils sont de différents types. Puis si je prends par exemple le territoire dans lequel on a eu le bonheur de travailler cette année, qui est la ville de Boischâtel. Avec les étudiants, non? C'était avec les étudiants. Donc, les étudiants, on est arrivé dans cette petite municipalité qui est juste à l'est de la rivière Montmorency, proche des chutes. Et le premier défi, c'était d'essayer de définir ce serait quoi un nouveau type d'urbanisation, ce serait quoi un quartier vert comme modèle alternatif au développement classique de la banlieue. Et donc, un groupe d'étudiants ont vraiment essayé de définir quels étaient les différents critères qui devraient être intégrés à un plan d'urbanisme. Parce que quels étaient les problèmes avec... Parce qu'on est en milieu banlieue, finalement, à Boischâtel. Donc, quel est le problème identifié? C'est l'étalement? L'étalement urbain, c'est la détérioration des rives, des rivières, c'est les boisés qui disparaissent, c'est les terres humides qui sont drainées et éliminées. Alors, par ailleurs, c'est également, du côté positif, comment développer ces milieux-là pour que la qualité de vie soit plus intéressante. Donc, par exemple, comment trouver de la multifonctionnalité, comment trouver ou développer les circuits d'espace vert, les circuits de pistes cyclables et autres. Alors, donc, c'est vraiment une vision globale d'une nouvelle façon de voir le développement urbain par rapport au bungalow et la rue large et un développement basé sur la voiture. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont identifié comme solution? Ils ont proposé des solutions à la municipalité de Boischâtel? Alors, par exemple, dans un, on va prendre, il y avait différents dossiers. Dans un premier cas, si je reprends les rives du fleuve, c'est clair qu'avec le boulevard Sainte-Anne, c'est un milieu qui est relativement dégradé. Alors, les étudiants, dans le premier cas, ont caractérisé les battures, la valeur écologique, et ont essayé d'identifier les espaces qui pourraient servir de corridors verts pour donner accès au fleuve à la fois aux gens et pour préserver cet environnement-là. Toujours... Le principe étant que si on veut protéger l'environnement, faut le faire connaître aux gens pour qu'ils deviennent les défenseurs. Mais en même temps, si, pour ceux qui connaissent la région, il y a une vieille carrière, ce qu'on appelle la cicatrice, juste sur le bord du fleuve. Ça fait 40 ans que cette carrière-là existe et la végétation ne s'est vraiment jamais implantée. Mm-hmm. Donc, les étudiants ont eu à déterminer pourquoi que la végétation ne reprenait pas? Ça, c'est l'espèce de truc qu'on voit au bord, quand on est sur le boulevard, le bord du fleuve, on voit une espèce de talus. Un grand trou. C'est une vieille, il y avait une briquerie, la briquerie citadelle. Ouais. Elle a été abandonnée. Souvent, les carrières, même si on ne fait rien, vont se revégéter tranquillement. Et là, ça ne se revégète pas. Et là, les étudiants, par l'analyse de sol, ont diagnostiqué qu'est-ce qui se passait. Effectivement, les schistes, on parle beaucoup de schistes, mais là, nous avons des schistes dans ce territoire-là, mais qui sont penchés, ce qui fait en sorte que avec le gel des gels, les petits morceaux de schiste coupent les racines, font en sorte que les arbres ne survivent pas. Ah, c'est ça. Et donc, ils, en diagnostiquant le problème, ils ont commencé à développer bien quels seraient les modes de solution pour pouvoir revégéter ça. Mais ils sont passés à une autre phase en disant, au-delà de juste revégétaliser un territoire, il y a un potentiel urbanistique magnifique de créer un pont, un lien entre la basse ville, le fleuve, et le haut de la falaise. Et donc, est-ce qu'il y aurait un aménagement de type belvédère, piétonnier, cyclable, pour créer un lien organique entre ces deux territoires-là, et dans un certain sens, donner un accès piétonnier au fleuve plutôt que juste qui est par ailleurs avec une barrière automobile qui est assez dangereuse. Alors ça, c'était un exemple de travail qu'une équipe peut faire. Ce que je vois à travers cet exemple-là, c'est que c'est très pluridisciplinaire parce qu'il faut qu'ils aient des connaissances donc peut-être sur la géologie, ils ont fait des analyses de sol, faut qu'ils aient des connaissances en végétation, faut qu'ils aient des connaissances en urbanisme pour penser à aménager une piste cyclable ou des choses comme ça. Donc faut qu'ils aient une vision, beaucoup de connaissances. Et puis, vous l'avez dit, en 3 ans, on n'est pas capable d'avoir accès à toutes les connaissances qu'on voudrait. Ouais. Alors, vous l'avez bien dit, c'est il faut qu'il y ait une vision globale, mais c'est comment avoir accès à ces connaissances-là pour répondre à nos problèmes. Mm-hmm. Alors, ils ont cette connaissance de base, mais le défi, c'est de justement... où trouver les experts, où trouver l'information, savoir ensuite pouvoir l'interpréter pour le diagnostic. Et c'est le grand défi de l'environnement. Souvent, ceux qui étaient les anciens spécialistes de l'environnement, on faisait des maîtrises, on faisait des doctorats. Mm-hmm. Mais là, le défi avec ce baccalauréat-là, c'est que les jeunes en sortant ont une façon de travailler qui leur permet d'aborder constamment de nouveaux problèmes et apprendre à apprendre. Donc, trouver l'information pertinente, les expertises qui existent et bâtir ça. Ouais. Donc, une flexibilité intellectuelle de pouvoir toujours aborder des nouveaux dossiers. Et très rapidement, parce qu'il nous reste, disons, une minute, comment la municipalité de Boischâtel a accueilli le travail des étudiants? Bien, c'est... Premièrement, ils nous ont accueillis en les accompagnant, en mettant l'urbanisme et le résultat, ils ont tellement aimé les résultats qu'ils ont organisé une session où les étudiants ont fait une présentation, pas seulement à la municipalité, mais au préfet, au préfet de la MRC, aux grands décideurs de la région. Et ces temps-ci, ils sont en train d'intégrer leurs résultats au nouveau plan d'urbanisme. Mm-hmm. Donc, le travail a été très apprécié. C'était apprécié. On l'a réussi parce que les étudiants ont travaillé main dans la main avec la municipalité, en interrelation, ce qui a fait en sorte que l'échange d'informations était constant pour que, quand les résultats sont arrivés, bien, la municipalité était déjà, informée et prête à agir à ce moment-là. Puis, vu l'importance de des compétences qu'ils vont avoir dans ces diplômés-là, dans le développement, donc dans l'aménagement des territoires, on peut penser que les perspectives d'emploi sont assez bonnes? Bien, on peut l'espérer. Justement, les emplois en environnement, c'est un des secteurs qui grandit le plus, dans lequel il y a une forte demande. C'est clair que ce baccalauréat-là, c'est un nouveau type de professionnel qui doit se faire connaître. Et on espère bien qu'au cours des prochains mois, nos gradués vont pouvoir se placer à différents endroits pour justement accompagner les organisations dans cette nouvelle vision du développement durable. Bien, on leur souhaite également. Puis pour nous tous aussi, parce qu'on va tous en bénéficier finalement. Effectivement, on travaille là pour notre futur. Ouais. Merci beaucoup, M. Bélanger, d'être venu nous en parler, de nous présenter aussi ce nouveau baccalauréat et ce que vont être capables de faire ces diplômés. Ça fait un très grand plaisir, puis c'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne journée. Alors, on va faire une pause musicale sur CKRL au 89.1. Et au retour, comme l'a dit François tout à l'heure, on va passer en mode imprimante, une nouvelle façon de faire des chroniques.